ci nak ben serigne la won serigne mi dal dafa and ay talibem di dem ala leg mom sa yu demé ala rek buñ waré ñibisé dafa wax talibem yi lañ ko jitu leg mom buñ ko jitto rek sa mom dafa amone ben raccourci am raccourci gën faré nek rek commencé accélérer gën far gën agne souf leg talibem nak buñ ñëw nak ñew gën ala grand surprise day ñëw rek fekk fofu nak rek gadi kala to asiri ñew gën fo jaaré serigne bi neew non man nga ci jaw ji la jaar ci jaw ji serigne bi dal a chaque fois dal muy def lool a chaque fois dal muy def lool bëss nak mu am ben talibé bu nga xamné mom muna serigne bi dal limi def ni gal c'est un poulous quoi légui bo waxé pour gaay jitu ko man dama tok té gaay dama tol quoi légui serigne bi nak bi gaay waré ñibi muné a talibé mën ngeen dem jitu mom man ma ngi ñëw légui talibé bi waxone mom day sétlu serigne bi nak mom mu togan ko sew diko xaar mu tok djéx sa rek bi ga ayb demé mu djéx sa rek gis serigne bi commencé accélérer say top signal serigne bi rek gani daw le gars bi agué bi serigne bi agué rek mom tam gars mu ñëw rek gani né dégat gian ci kanamu serigne bi ay serigne mu ti rek niki wa sa yow e fo jaaré yow tal bam nak ah serigne bi man gani fi nga jaaré rek la jaaré dé serigne bi nak ah yow dé chexal na la